aux États-Unis. 80 heures. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 7 au 13 mars 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Encore nous. Eh bien oui. Encore et toujours nous. Tout le temps. Mais on est là puis on aime ça. Mais il faut. C'est ça, c'est jamais assez. On est ensemble pour 3 heures de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir, c'est-à-dire un top 20 francophone et un top 20 anglophone. La semaine passée, notre numéro 1 anglo était Étoubroussé avec Hey Blue. Ah, c'est vrai, puis du côté francophone, eh bien, c'était Autobus de Rouge Pompier. On va savoir d'ici la fin de l'émission si ça tient toujours. Avançons de quelques nouvelles entrées. Du côté anglophone, il y en a 3. Donc, on va avoir Library Voices, un de mes groupes préférés de l'histoire, Young Rival, ainsi que l'artiste local, Steville. Du côté francophone, eh bien, on va avoir Marie-Ève Roy, Fred Fortin, Burn Harry et Les Goules. On va justement commencer avec les nouvelles entrées en 20e place en anglophone, Steville, avec Damn sur l'album Solo Recordings, Volume 3. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Courbe de cuir du groupe Les Goules de l'album Coma. On enfile cette pièce-là, on la zip, on la snap, on la boutonne, on la... Ouais, oui, c'est le bruit d'un zip. Ah oui, ben oui. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Black Jack chez Maurice, la baraque sur la côte, chacun sa pile de cash, puis la main sur le côte, on joue aux cartes sur les tropiques, en attendant Carlos, je fais des tracks de péruvienne, avec les autres dans mon côte de cuir. Côte de cuir. Y'a des pitounes de Mirabel, de Québec érotique, elles aiment bien le soleil. I couldn't help it, I never do, 'cause I'm down.

19. Nouvelle entrée. Cross some lines a couple of times, Will. Come on. Sick of time of losing my mind, yeah. Roll on. Oh, what, huh? Did a line a couple of times, I find no place to go. Retour de Young Rival, Where's It All Going? Position numéro 19 en anglophone. Évidemment, c'est pas la première pièce de Young Rival. Comme j'ai dit, c'est un retour. Donc, on avait eu aussi Interior Light précédemment dans les palmarès. C'est un groupe qui se dit de Croon Psych avec Aaron Delisio, Noah Frolic et John Smith. C'est un groupe de Hamilton. Et c'est même au Canada. Et du côté francophone, eh bien, en 19e position, on a entendu toujours de Bernary. Bernary qui a eu une grosse année 2015 quand même avec son premier album qui s'appelait Bernary, nommé deux fois au Gala de la Disque, et il a gagné l'album Indie Rock de l'année au Gamic. Donc on s'attend quand même à beaucoup de son nouvel album, mais ça sonne très bien aux oreilles. So far, so good. So far, so good. Hamilton, j'avais oublié de dire que c'est en Ontario. Je pense qu'il y a d'autres Hamilton, donc je me suis... Je suis pas sûr, je voulais vérifier avant de le dire. Avant ça, en 20e place anglophone, Steve Hill avec l'album Solo Recordings Volume 3 à la pièce Damned. Évidemment, Steve Hill, qui vient d'une petite ville canadienne aussi, qui s'appelle Thrice Rivieres. Ah oui! C'est droit arrière. Thrice Rivieres. C'est blues rock, bien sûr. Lui qui fait à peu près tout, il se dit One Man Band. Donc mm-hmm. Il fait guitare, voix, batterie et harmonica. L'album est disponible depuis le 3 mars pour le volume 3 de son Solo Recordings. stevehillmusic.com et son site web. Et du côté francophone, eh bien, on a commencé tout ça avec la 20e place qui était Côte de cuir du groupe Les Goules. Une chanson quand même assez extravertie. Ouais. Et ils se disent eux-mêmes assez extravertis parce qu'en fait, ils jouent de la musique pour pouvoir hanter les pourris et égayer les malades. Ah, c'est cute. Côte de cuir, moi, je préfère les côtes levées, mais bon, tu sais. Ah, je préfère les côtes de cuir, moi. Ah ouais, ça fait mieux à un homme que des côtes levées. Ce n'est pas comment tu manges, il y en a qui sont propres quand ils mangent. Ce n'est pas comment tu portes. Ce n'est pas mon cas, oui, exact. Voilà pour ce bloc de 4 nouvelles entrées. Nous en reste 3 ensemble, encore à entendre. Donc on va faire un petit bloc 3 quarts. On va sauter par-dessus une pièce en anglophone qui est la 17e place, qui ne bouge pas, par Cage the Elephant. Ça pour dire qu'on va entendre tout à l'heure Library Voices en 18e place anglophone. Et du côté francophone, eh bien on va aller entendre la 18e qui est 10$ de Fred Fortin. Et après ça, on entendra la 17e qui est Marie-Ève Roy avec Ton Appel. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Ton cœur est un robot qui crie sa soif. Ton emport en bocal avant de te ramasser avec un flat. Faudrait que tu passes au stade. Ton histoire se résume en un trait noir de goudron de carbone. Tu laisses dans un nuage qui graine des airs. Le monde qui s'étonne de te voir. Kind of feels like I'm 84. Some Nouvelle entrée. Avec la pièce Ton appel en 17e francophone. Tout juste avant ça, on a entendu la 18e anglophone qui était Library Voices de Slacker. Avec, oui, exactement, avec la pièce Slacker. Oui. C'est un groupe de Regina, Saskatchewan. C'est un groupe, donc Library Voices. Brennan Ross, Michael Dawson, Amanda Skendrit, Mike Steven, Ethan Anderson, Paul Goodale et Carl Johnson. Beaucoup de monde. Mm-hmm. Ils disent Milfire Rock Band. Et leur nouvel album, Lavish, est sorti en novembre dernier sur l'étiquette Novado. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu en 18e francophone la fameuse pièce 10 $ de Fred Fortin. Fred Fortin qu'on peut connaître aussi pour son autre groupe qui s'appelle Galaxy. Oui. Ça roule beaucoup ici, assez fou. Fred Fortin qui a d'ailleurs lui-même écrit la chanson Moisy, Moisy qu'on a beaucoup, beaucoup entendu. Qu'on peut-être a pas brûlé, certains diraient. Ouais, mettons, peut-être ouais. Brûlé à certaines reprises. On l'a beaucoup entendu grâce à certaines personnes qui avaient fait certains on concours. On peut peut-être pas s'en rappeler de ça. C'est ça. Mais c'était lui quand même. Il a fait du bon et du mauvais. Hein? Et il sort son nouvel album en mars. Il n'est pas encore sorti. Ça devrait sortir le 16 mars prochain. On le joue en exclusivité. Exclusive. Oui! Voilà. Étant donné qu'on a entendu cette nouvelle pièce, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à cette autre pièce. Et ça, ben, on appelle ça Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. What's gonna happen to you? I you have ces pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Poème d'envie de se lever dans nos mains. Oui, valse à tout vent, que l'ici soit ailleurs, et tout de neuf dans nos cœurs, de pigeons voyageurs. Du 29 février au 6 mars 2016. On a entendu en premier La Valérie avec les enseignes au néon, une chanson qu'on a beaucoup aimée, qu'on a fait beaucoup tourner le matin durant nos émissions à Assemblage Reiki, qui est restée au palmarès pendant 8 semaines. Ensuite, Midi Cayenne s'est étouffée sur ses épices ou encore a fait estampiller son passeport avec Pigeon Voyageur qui a duré 8 semaines. Ah, oh, on a fait de la poésie avec Ariane Zita et Émile Néligan durant 7 semaines. Mm-hmm, le Husky s'est enfoncé dans la neige avec 10 semaines. Young Rival et Interior Light a été au palmarès pendant 7 semaines. The Noble Thieves a fait son petit peureux, capricieux, gêné, noble, oh. Hein, avec Give Him Hell 5 semaines. Et Ubuhuru, cette fameuse, ce fameux groupe qu'on a de la difficulté à dire. U-U-B-B-U-U-R-R-U-U. C'est ça. Ouais. Exactement. Merci Mathieu. Je pense qu'il y a des points entre chaque lettre. J'espère, hein? Qui est resté au palmarès pendant 8 semaines avec leur pièce Cosmic Cannibalism. Voilà, donc plein de grosses pièces, des 10, des 8, des 7 semaines, ainsi que des petits gênés comme The Noble Thieves, qui a juste pas levé, faut croire. C'est des Palmarès in Peace, et on fait ça chaque début d'émission, après les nouveautés. Là, 7 pièces, là, j'ai coupé des petits extraits de chaque, là, parce que c'était des, y avait beaucoup de pièces. Oui, Les petits 25 secondes de par pièce. Maintenant, on saute par-dessus une pièce qui est en francophone, c'est la 16e position, Tania. Oui, on va sauter par-dessus les hôtesses d'Hilaire avec leur pièce « Fait faillite ». On va faire un petit bloc trois quarts, donc on va entendre plus tard « Le matos » et « Radical Face ». En fait, « Le matos » et « Bruit noir », on va commencer par la 16e anglophone « Radical Face ». Exactement, et du côté francophone, eh bien, on va entendre la 15e. On a monté de 2 places depuis la semaine dernière, c'est « Bruit noir » avec Joe Dassin. Mm-hmm. On finira avec « Le matos » et « Eyes, Throat, Genitals », mais pour l'instant « Radical Face ». 89 FM, c'est des palmarès, c'est fou. Ouh. Ah, puis elle commence avec des feintes, comme... Tu fais genre... Oh, mais t'es pas sûr. Oh. Ah ouais, mais t'es pas sûr. C'est comme une pièce... un opéra. Ah, oh, c'est beau. C'est comme la danse contemporaine. Ouais. On se lève debout. On fait de la danse. Oui, on se dandine par tous les membres. Ouais, on va faire ça. J'ai hâte. Dans le passé. nuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Un vieux courrier, ancienne adresse. Non, on tombe vite dans le passé. On tourne la tête, on est tombé. On tombe vite dans le passé. On tourne la tête, on est tombé. Je me souviens de rien en fait. Ton nom. Aussi, on avait une petite chatte ensemble qui dormait sur l'épaule. Il y avait plus de tendresse avec cet animal en une seule après-midi qu'entre toi et moi si on était restés collés ensemble toute une vie. Tombe vite dans le passé, tourne la tête, on est tombé. Tombe vite dans le passé, tourne la tête, on est tombé. On est tombé. Un jour t'avais dansé parce que t'étais contente. Une autre fois tu m'avais dit que j'étais drôle quand je fumais, mais moi je crois que j'étais drôle tout le temps. C'est juste que toi tu t'en rendais compte que maintenant. Tombe vite dans le passé. Non, tombe vite dans le passé. Je crois que on s'aimait pas trop. Tout simplement. C'est bête. Non, je crois qu'on s'aimait pas trop. Tout simplement. Ouais, c'est bête. Tombe vite dans le passé. On tourne la tête. On est tombé. Tombe vite dans le passé. Tourne la tête. On est tombé. Oh, je me souviens de rien en fait. Qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble, comme dit Joe Dassin. Qu'on s'est aimé un an presque, mais que c'était pas vraiment l'été indien. Et qu'on s'aimera pas pendant un siècle, pas une éternité, non. Alors on tombe vite dans le passé. On tourne la tête. Allez, tombe. On tombe vite dans le passé. On tourne la tête. Tombé un siècle. Tombé dans le passé. Une éternité. Pour la tête. Non. Tombé dans le passé. Tombé dans la tête. On est tombé. Tombé dans le passé. Dans la tête. On est tombé. Tombé dans le passé. Game. Thank you. Le Matol, c'est Ice Throat Genitals, stable en 15e place sur l'album Chronicles of the Wasteland. Et du côté francophone, tout juste avant ça, on a entendu la 15e, qui était Joe Dassin de Bruit Noir. Avant ça, Radical Face et Road to Nowhere, qui était une nouvelle entrée la semaine passée, qui vient de monter de 4 places. On n'y est plus? Ben non! Hey! Ben non. Puis on a sauté par-dessus la 16e francophone qui a vraiment descendu de beaucoup depuis la semaine dernière parce qu'elle était en 3e place et cette semaine, elle était en 16e. C'est Fait faillite des Hôtesses d'Hilaire. Ouais, mais à un moment donné, on fait le tour de cette pièce-là. Là. Ah, ben oui, hein? On va se faire rembourser. Mm-hmm. Ben oui. Prochain bloc, on va aussi faire un bloc 3 quarts parce que jusqu'à maintenant, ça va très très bien. On fait ça, c'est le 3e bloc 3 quarts qu'on fait dans cette émission-ci. C'est-à-dire qu'on joue 4 pièces en théorie. Mais en pratique, on en joue 3. Oui, c'est ça. Genre, on en saute une, hein? C'est pas compliqué. Exactement. Donc, on va entendre plus tard Dodger ainsi que Nat Eyes. On va sauter par-dessus Paupières avec leur pièce 5 heures et on va entendre Mononcle Serge avec Des questions, qui est la 13e place francophone. Mais commençons par la position numéro 14 anglophone. Voici Nat Eyes, Roll It, une nouvelle entrée de la semaine passée tout de suite au Palmarès C'est fou. 89.1 FM. Got to accept, and I'm no better for getting sick of getting no break. The feeling is something like disrespect, except it doesn't even know I exist. Why didn't he roll it? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he have a feeling to go on? Why didn't he roll it? Didn't he listen to our song? Why didn't he roll it? Now being a stranger in a strange, strange town, didn't you hope that everyone would come on and crowd around? Je lance des tonnes comme des bouteilles à la mer houleuse, et je ne sais pas toujours sur quelle rive douteuse les courants capricieux vont les faire aboutir. Qui va les rejeter à l'eau? Qui va les ouvrir sous ma fenêtre? Attiré par les odeurs de ma cuisine, voici qu'un troupeau de hyènes qui ricane s'agglutine. J'ai plein de nouveaux amis que je n'avais pas cherchés, et leur gloussement me plonge dans la perplexité. Si les chevilles brunes épousent ta cause, pose-toi des questions. J'm'en pause. Voici l'interminable défilé des religions. Il dure depuis des millénaires, sans interruption. Voici l'esprit critique qui tombe dans les vapes et qui fait place à des rêves remplis d'imams et de papes. Comment tirer de tout ça? Matière à plaisanterie, sans écorcher ceux qui croient en ces saintes niaiseries. Comment s'en moquer sans que ça donne des munitions à ceux qui voudraient les chasser à coups de bâton? Si les fachos partagent tes posts, pose-toi des questions. Je m'en pose. C'est plus fort que moi. J'aime planter ma tente au milieu des champs de mine et sur les pentes glissantes. Le carré de sable où je déploie mes bebelles, j'obstine la ligne entre l'acceptable et le libelle. Mais on s'est donc pourri de chariots et de chartes. Ça se corse pour les fabricants de farces. Mon général, au vu de la situation, nos troupes doivent-elles encore tenir leur position? Quand les SS rient de tes jokes, pose-toi des questions. Je m'en pose. Je m'en pose. Ouais. Si les rednecks savourent ta prose, pose-toi des questions. Je m'en pose. 13. Just need it here. I'm trying to get off, find a subtle way. La pièce New Ways par Daughter monte de une place en 13e anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a entendu la 13e qui a descendu de deux positions depuis la semaine dernière. Et c'était des questions de mon oncle Serge. Ah, ma question à moi, c'est est-ce que la première heure est terminée? La réponse est oui. Est-ce qu'il en reste deux autres? Oui, oui aussi! Restez là, les pommes, c'est fou, yeah! Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89.1. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 mars 2016. La portion top 10, je m'appelle Mathieu Blonde. Et moi, Tania Baudin. Oui, Tania Baudin, il reste encore deux heures de la meilleure musique que C'est fou à nous offrir à nous. Mm-hmm. Et ensuite, nous la offrons au public. À notre auditoire. Oui, à nos merveilleux petits palmiers. Qui sont palmiers. Les auditeurs des Palmarès. Ben oui, bien voilà. Sûr, ouais. Donc, on commence par les 10e places en anglophone. On trouve Metric avec Celebrate qui descend de une. Du côté francophone, on monte de beaucoup pour les amis au Pakistan. La semaine dernière, c'était la nouvelle entrée en 20e. Puis cette semaine, on se retrouve en 10e avec leur fameuse pièce Mumph. Ça va être une pièce bizarre. Mumph. C'est bizarre, mais on l'a fait jouer quand même. Fait que c'est un petit peu de notre faute si elle monte. Oui, bon. On a une part du blanc. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pas bébé grave. Non, mais tu sais, comme là, on va la faire jouer. Exactement. On va la trouver bizarre. Vous allez l'entendre ouais. Et donner votre propre opinion sur la page Facebook d'Assemblage Reiki. Et voilà. Allez-y, on a une page pour les palmarès C'est fou aussi. C'est vrai, les palmarès C'est fou. Ça sera en même place pareil, c'est les mêmes gens derrière. Ah ouais, je savais pas. Ouais, c'est les mêmes Mathieu et Tania. Ah! Assemblage Reiki. Bon, mais. Va me faire à l'idée que c'est peut-être bon cette chanson-là. C'est les palmarès C'est fou. Patrick Celebrate descend d'une place en 10e anglo. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Mumph des Amis au Pakistan. Mumph. Je ne m'habitue pas. Non, moi non plus. Même chercher un magazine pour les symboles, c'est pas le genre de parole qui m'attire tant que ça. Mais c'est surtout qu'automatiquement, ça sonne Mumphère quelque chose. Ouais. Comme Mumphère à souper. Ouais. Faudrait faire la vaisselle, l'autre Mumphère ouais, à la vaisselle. Exactement. Comme disait l'autre groupe des palmarès. Bref. Une pièce étrange, mais il en faut pour tous les goûts. C'est comme ça, les palmarès, c'est fou. Hein? Mm-hmm. 9e place en anglophone, c'est King Gizzard and Lizard Wizard et The Bitter Boogie qui monte de 2. Et du côté francophone, ça va être Renard Blanc avec La Brume qui a descendu de 4 positions cette semaine. Ça donne-tu bien que le fichier vient tout juste de finir de télécharger? Dans la seconde que tu l'as dit. On adore ça quand ça arrive comme ça. C'est le même, la vie est bien faite. Tellement. Vous écoutez les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Yeah. La Lizard Wizard monte deux places avec The Bitter Boogie en position numéro 9 anglophone. Du côté francophone, eh bien, on a descendu de 4 positions, comme je vous disais avant qu'on aille écouter la chanson. C'est La Brume de Renard Blanc qui se retrouve en 9e place. Un petit bloc bien sympathique. Ok, oui. Voilà. Position numéro 8 maintenant en anglophone, c'est Reversing Falls. On l'adore, cette pièce-là. On l'a joué tellement souvent à Assemblage Rocky. This Is Why qui descend de 4 places. Et on reste stable du côté francophone parce que la semaine dernière, il était aussi en 8e place. C'est Viens me voir cette nuit, Daddy Cramps. Ben oui, on sait jamais ou si on doit dire Cramps, c'est ça. Mais bon, on va le faire tourner, comme on dit quand tu veux tourner Cramps en masse. Cramps en masse. Ou Cramps and Mace, comme on dit en anglais. Et voilà. C'est pas mal, c'est fou. Yeah. Yeah, au 89 FM. Ou si je veux un mauvais gag, c'est yeah. Oh boy.

qui est en 8e place avec sa pièce « Viens me voir cette nuit ». Parlant de « Viens me voir cette nuit ». YouTubeur qui coule. Bah oui, de partout, toi. Du côté de le fun, la position numéro 7, c'est de Sheepdogs avec « Back down ». Lâche-moi la jambe, comme ils disent, monte de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, ça monte de 12 places. La semaine dernière, ils étaient en 19e position. C'est Pandacide avec « Voiture de course ». Ah, je fonds pour toi, mon panda. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Inapproprié. Hashtag inapproprié. C'est pas assez proche de finir en compte. Avec qui je m'emballe. Lockdown par The Sheepdogs. Position numéro 7, ça monte de 3 places. Ça fait 5 semaines que c'est là sur l'album Future Nostalgia. Du côté francophone, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, ça monte de 12 positions cette semaine. C'était Voiture de course de Pandacide. Ah, au moins t'es constante. Oui. T'as une cohérence de la même chose les deux fois. Je sais, hein, une ouais. chance. Pas pire quand même. C'est ça, les écoles de radio. Oui. Ouais, c'est exact. Position numéro 6 maintenant, en anglophone, David Bowie, This a Pity She Was a Whore, qui monte de 2 places, une longue pièce, une pièce ambiante, mais qu'on aime bien. Et en français, ça va être Une fille et son flanc gauche, de Medora. Ah oui, c'est quoi son nom à la fille? Eh, bonne question. On sait pas. On sait pas. On sait une pas fille encore. Générique et son flanc gauche générique. Il est là. Si seulement il y avait un réseau social pour ceux qui sont fanatiques. De flanc gauche. De flanc gauche. Ben, tu sais, il pourrait y avoir comme, un peu comme sur Tinder, tu peux choisir est-ce que je veux des gars ou des filles. Ah. Tu pourrais choisir flanc gauche, flanc droit. Hein. C'est vrai. Mais t'as le droit de soit swiper à gauche, soit swiper à droite. C'est exactement ça. Mais si t'as un fantasme pour ceux qui n'ont pas de flanc. Ah, il faut le préciser dans ta description. Il faut super flâner. Quand ça dit interdit de flâner. Exactement. C'est parce que t'es pas à bonne place pour trouver des flancs. T'as bien raison. On disait quoi déjà? Quand s'en allait en musique? C'est ça. J'ai tracé une ligne sur ton corps. Droite, et j'ai and she touch me like a dew. Hold your bad hands, I cry. Tis a pity she was a whore. Tis my curse, I suppose. That was patrol. That was patrol. This is the It's a pity she was a whore qui monte de place en sixième position anglophone. Du côté francophone, eh bien, ça l'a monté de 9 positions. C'est la fille, une fille et son flanc gauche de Medora. Ah, il y a une de ces deux pièces-là qui était vraiment vulgaire. Oui, je sais. C'était vraiment vulgaire. Je parle évidemment de celle où on parle d'un flanc gauche, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, il fallait cacher ses jambes. C'est ça, ouais. Ouais. Bref, ça parlait de pénis dans l'autre. On retourne en arrière. Parlant de retourner en arrière, hein? Oui! Oui, voici C'était fou. Oh, j'ai pas parti assez fort, je veux que ça frappe. Ok. C'était fou! Cette fois-ci, on recule à la semaine du 11 mars 2013. Oh, Wellington. Tower to be tall.

5. Saw the pictures, read all your darkest thoughts while you were waiting, ready to brush me off. We could be friendly, we could be out of touch, we could be famous, or even infamous. If you are, come back for now, call it off. Come back, but don't pretend me down. Don't waste my time pretending love is somewhere else. Come back for now, but call it off. Come back, but don't pretend around. Stop wasting time. Easy, but how can I close my eyes? You have new friends now, I didn't recognize. For every time you'd say I ask for too much, you spend another day trying to be in. Cinquième place anglophone est occupée par Benjo Burlott et Infamous sur l'album Good Advice. Pendant qu'en francophone, eh bien, la cinquième place est détenue par Mordicus avec sa pièce Grandville. Il la garde Mordicus dans sa bouche. Et... Position numéro 4, ça c'était louche un peu. Hein? Ouais, je t'avoue que ouais. C'est ça. C'est pas le pire corps qu'on a fait dans la soirée à la date. Non. Position numéro 4 anglophone se descend de la 7e, Kurt Vile avec I'm an Outlaw qui est sur l'album Believe I'm Going Down. Et du côté francophone, eh bien, ça reste stable parce que la semaine dernière, il était aussi en 4e place. C'est Pandaléon avec Retour. Quel bon bloc! Hey, hey! Écoutons-le! Dès maintenant! Bon, mais c'est fou! Au 89 FM! Ah, ça s'enchaînait, ça! C'est beau, là! Parfait! Tac-tac-tac, ping-pong, ping-pong! Tac-tac-tac, ping-pong, ping-pong! Si j'avais arrêté avant ça, ça aurait été cool. Ouais. Ça aurait fait de la bonne radio. Thank you. Val, I'm an Outlaw. Pour ce numéro 4, ça la monte de 3 places sur l'album Believe I'm Going Down en anglophone. Et en francophone, eh bien, on a entendu Retour de Pandaléon qui reste stable depuis la semaine dernière en la 4e position. C'est plein des affaires qui restent stables. Ouais, Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais regarde, on va faire changement. Côté anglophone, ça monte de 3. Hein, donc, You Say Party avec Ignorance sur l'album qui s'appelle aussi You Say Party. Et du côté francophone, bien, ça monte de 4 pour la 3e position la semaine dernière. mon cerveau a comme eu une bulle. Ça a juste comme arrêté de parler. Mathématiques, ouais. Donc, <c'est> bon. on monte de 4 positions du côté francophone, de la 7e à la 3e cette semaine. C'est Jason Bahada avec Pékin. C'est normal que ton cerveau fasse des bulles, cette émission-là est tellement éclatante. Oula! On ne pourrait mieux dire. Ah, j'ai essayé au moins. C'est les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Pop. Dis-moi, à qui la chance, en dépit des circonstances. Dis-moi, à qui la chance, en dépit des circonstances. Ah, les amitiés. Lorsqu'on est tanné, ah, les amitiés, mais lorsqu'on est tanné, comment va ton week-end? Comment va ton week-end? J'aimerais que tu m'appelles ce soir. Comment va ton week-end? Comment va ton week-end? J'aimerais ça que tu me trouves belle ce soir. We'll be right back. 89.1. 3. Party. Ignorance monte de 3 places en anglophone, en 3e place. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Jason Bahada avec Pékin qui a monté de 4 positions cette semaine. Pékin, toi. Ben oui, Pékin. Pour ce numéro 2 maintenant, oui, il nous reste seulement une demi-heure ensemble. On va avoir le temps de revenir en arrière comme on a chaque semaine depuis quelques temps. Donc en anglophone, c'est Etoubroussé. Je vous annonce que le numéro 1 est dorénavant la 2e place. Oh. Il y a encore des chances qu'elle remonte. Mais bon, donc Etoubroussé qui descend d'une place, 7e semaine de présence, et c'est un single simple. Du côté francophone, eh bien, on monte de 4 places encore une fois cette semaine pour la 2e position. Donc la semaine dernière, elle était en 6e place. C'est Hidalgue ou I-D-A-L-G. Il danse avec les genoux réinventés avec la pièce Demi-Serpent. Demi-Serpent, est-ce que tu jouerais à Demi-Serpent, Demi-Échelle? Ouh, bonne question. C'est pas pire, je sais pas ce que seraient les règles. Probablement que la moitié, peut-être. La plaquette serait plus petite. Ouh. Ah, la version de voyage. Voilà. Demi-serpent, demi-échelle. On écoute ça au Palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Émission qui pourrait facilement durer la moitié du temps, mais... mais non. We'll be right back. sûr. Back to back with the downtown winds, the king is in his story. C'est numéro 1 anglophone et tout broussé, la pièce Hey Blue, 7e semaine de présence en anglophone. Du côté francophone, eh bien pour la 6e semaine, on a entendu IDALG ou IDALG avec Demi-Serpent qui prend la 2e place cette semaine, donc on monte de 4 places pour IDALG. Mm-hmm, c'est drôle, je regarde le palmarès francophone et jusqu'à maintenant, je ne me rappelle pas de t'avoir entendu dire qu'une pièce était numéro 1 la semaine passée. Un peu comme dans l'autobus, dans la chanson thème de Watatata. Un peu, ouais. Déjà, t'es dans un autobus, puis là, ça faisait, c'est comme un manège. Ça faisait wow! C'est un peu comme dans cet autobus-là, tu sais, ou sinon, ça pourrait être un camion de pompiers. Ah, oui, aussi. Faire, comme un cas. C'est un chat. Excuse-moi. Ouais, ça sonnait vraiment comme un chat. Je sais pas comment faire. Une sirène. Comme ça, non, ça ouais. C'est une ambulance, je pense. On n'est pas très bon. On est aussi bon un bruiteur que ouais. Chevy Chase est bon pour garder son pipi à l'intérieur de lui-même dorénavant. Non, il est un peu inconscient, je pense. Ouais, je pense que ouais. Rendu à cet âge-là, mais je veux pas rire de lui. Mais il est rendu vieux, Chevy Chase. Ben oui, je sais. Ça se peut qu'il fasse un petit peu d'incontinence. C'est pas grave, on reste qu'on l'adore quand même. On n'est pas pour le maltraiter. C'est quand même une vedette américaine et on n'est pas des sauvages pour rire des vedettes comme ça. On l'aime et on aimerait qu'il reste en vie. On l'adore en vie. Adore life. Explique-nous les jeux de mots, s'il te plaît. D'accord. Donc, du côté francophone, eh bien, si j'ai pas encore parlé de la première position qui est pas encore revenue, c'est parce que... Oh, roulement de tambour! Wow! Autobus de Rouge Pompier est encore en première position du côté francophone, donc c'est pour ça qu'on peut faire comme dans Watatata ou dans l'autobus ou encore dans le camion de pompier. Et Chevy Chase, ben, je sais pas. C'est le nom de l'album. Ben oui. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Ben, c'est comme leur premier Kevin Bacon, le deuxième Chevy Chase. Après ça, moi, j'ai suggéré Francis Reddy, donc j'attends ça. Ah, ouais. Pourquoi? Ben, parce que c'est une vedette québécoise. Faut faire changement un peu. J'avoue. Ouais. T'as raison. Je vais t'avouer que le deuxième, j'ai de la difficulté avec ton deuxième. Qu'on adorait Chevy Chase. Ouais, on adore Chevy Chase, qu'on est sauvage, mais... Je me souviens plus comment t'as terminé. C'était qu'on aimait qu'il reste en vie. Ah, et voilà. C'est parce que la première position anglophone cette semaine, c'est la pièce Adore de Savages de l'album Adore. Adore Life. Voilà. Tu l'as dit. Il n'y a pas plus clair comme explication. C'était pas mal. J'avais pas le choix de faire ces jeux de mots-là. Hein? Non, je t'accorde que si t'avais essayé autre chose, ça aurait probablement sonné bizarre. C'est ça, ça avait quasiment l'air scripté. Hein? Et presque. Mais tout ça grâce à Chevy Chase. Uh-huh. Et voilà. Donc, on les écoute, nos numéro 1, puis après ça, on se reparle, puis tout, là, comme d'habitude. Ben oui. Il y a de nouveau là-dedans. Ouais, on embarque dans l'autobus. OK, j'embarque. Et pas là, c'est fou. Au 89 FM. Ça, c'était embarquer un cheval, ton mime. T'es le seul qui l'a vu. T'as jamais pris d'autobus, hein? Hey! Is he human to do life? Pour la semaine du 7 au 13 mars 2016 dans les palmarès, c'est fou. Un petit résumé du top 3 de chaque côté. En anglophone, on a entendu You Say Party avec Ignorance en 3e. En 2e, lancé numéro 1, Etou Broussé et Hey Blue. Et en 1ère, ça monte une place Savages qu'on vient entendre avec Adore. Tandis que du côté francophone, en 3e position, on a entendu Pékin de Jason Bahada. En 2e position, Demi-Serpent de Hidalgo, où il danse avec les genoux. Et en 1ère position, tout comme la semaine dernière, c'était Autobus de Rouge Pompier. Rien de nouveau de ce côté-là. Eh bien non. Eh bien non. Il nous reste encore un petit peu de temps pour aller entendre au moins deux pièces. Mm-hmm. Donc, allons-y avec du côté de la première pièce qu'on va entendre. Oui, c'est ça, oui. C'est la position numéro 11 du côté anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on va aussi entendre la 11e position, qui est le magasin des choses utiles des connards à l'orange. Mais on commence en anglophone pour faire changement. Voici Minotaur's Gold Rush Lady au 89 FM. C'est fou.